quatre régions du monde. Les peuples sont opprimés, exploités. Ouvriers fabriquent des pneus de bagnole, conduits par des patrons qui les roulent.